Ma ville, c'est un bordel pas possible. Ouais, ma ville mate le bis-bis, il paraît qu'il y a les roses dans les jaunes. Flaque de bistrot égaré par les roses. C'est plus une gare, c'est un squat, ils me font rire, j'ai mal aux côtes. Regarde, ils jouent à cache-cache avec des ballots de coke. Proper les petits spers, ils ont l'appétit de l'appétit. Ils se conduisent drogués sans mi-père, toqués sont les petits pères. Depuis l'âge de la tétine, pas d'équipe, t'es qui choque les langues de vipère. Trop d'hypocrites ici, tout ça pompe l'op. Tout spécial pour le petit qui siffle, les gueules pompent l'op. Les perchés, c'est nos mascottes, on t'a vu si t'es passé. Rares sont celles qui sont pas sottes, à peine t'as buté des masques. Dans ma ville, c'est rare qu'on voit les keufs frapper sur les pères. On marche vite comme les rares, on a trop rappé sur les berges. On rit mais c'est pas drôle, tu fais un bus c'est trop tard. Dehors ça rôde, y'a presque autant de putes que de trottoirs. Ma ville, eh ouais, c'est comme les autres hein. C'est folklorique. En vrai, ouais ma ville, c'est des gars, des mâches, te fais pas de plaques. Sur ma vie, y'a des kebabs tenus par des backpacks. On fout le bordel, on fait des choses qu'on dira pas. À s'en remettre belle, c'est se faire draguer par des rapaces. Bienvenue dans la cuvette, la base de la picole. La mairie, c'est une buvette, sur la place du Capitole. On saoule pas quand c'est facile, on triche quand c'est plus dur. Et vu que le périph' est facile, y'a plus un pif pour la culture. Du centre-ville jusqu'au quartier, on est tous parqués, tartés, ils veulent nous écarter. Le bonheur met les voiles, y'a la détresse qui rôle. Ça vend dessus, pousse la voix, donc je déteste ce qui rôle. Ferme ta gueule, moi je veux boire, donc ramène 5 pichets. Même seul, ça fait la star comme à la fête à Saint-Michel. La piste fait des rivières, la bague d'agresse fair play. T'as envie de niquer la mer, tous les gars de la SVP. Yeah. Ouais, Toulouse. Et c'est toujours la même. Des chiffres qui deviennent alarmants chez les jeunes, puisque 31% des 1793 adolescents interrogés avouent connaître des états d'ébriété répétés. Selon la DRAS, les cas d'ivresse aiguë constatés en Midi-Pyrénées dépassent même la moyenne nationale. Des excès qui ne se reflètent pas sur les taux de décès par alcoolisme et cirrhose, puisque Midi-Pyrénées est dans ce domaine la région la plus épargnée. Ah, écoute, on la crève pas, c'est nous qui crève la tise. Ah, qu'est-ce que t'as? Allez, fais péter la tête, fils de pute.